attaque again. Hey yo, yo, quel MC, pam de mic. Écoute celle-ci, hey, pour Agatha Crew. T'as voulu test? PX Control. Écoute ça, après un multiple sondage, on a trouvé le number one. Alors écoute ça, ok? SL Crew. Right. Non, y'a pas de doute, c'est pas malheur, je croise un bombo clot sur ma route. Directement, je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les mythos, les jaloux, tout ce petit monde-là me dégoûte, écoute ça, Yotman. Mutel DMC, non, y'a pas de doute, c'est pas malheur, je croise un bombo clot sur ma route. Directement, je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les mythos, les jaloux, tout ce petit monde-là me dégoûte, écoute ça, Yotman. Mutel DMC, tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour quoi? Tu te prétends être MC alors que tu fais n'importe quoi. T'écoutes la dura et tu reprends de toutes les mêmes voix. Tu n'es qu'un imitateur sur lequel on met vite une voix. Et malgré tout ça, du côté des Toto Charabia, blablabla, nous tous corps c'est du faya. Ici y'a que des frelons, y'a pas d'abeilles, y'a pas de maya. Ici y'a pas de fièvre, y'a pas de miel, y'a que des bas de voix. Non y'a pas de doute, c'est quand malheur je croise un bombo clat sur ma route. Directement je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux, les jaloux, gros sentiments, là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Non y'a pas de doute, c'est quand malheur je croise un bombo clat sur ma route. Directement je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux, les jaloux, gros sentiments, là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Il me suffit de ce lyric pour faire coller comme tu ton son plus la cacasse va donc passer un contrôle technique. Et même si ça passe direct, je dégaine l'automatique. Suck my dick. Tu ne seras jamais ce qu'on appelle un authentique. T'as pas compris, je t'explique. Le raga a des lois et pour que tu les appliques. Y'a pas besoin d'être fric, suffit d'avoir la technique. Pas de mimique, pas de timinique. C'est qui le gars qui vient sur le mic pour foutre la panique. Non, y'a pas de doute. C'est pas malheur, je croise un bombo clap sur ma route. Directement, je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux, les jaloux, tout ce petit monde là me dégoûte. Écoute ça, Yotman, Mutel DMC. Non, y'a pas de doute. C'est pas malheur, je croise un bombo clap sur ma route. Directement je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux les jaloux, tout ce petit monde là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Hey hey, le racata fossi vient de débarquer. Prêté par les plans manigons, c'est ça va commencer. La guerre est ouverte entre l'un de grand et la variété. On connaît ses voyages, on a plusieurs d'entrains alors pour sont privés. On va les fumer, les cassonner, torturer même les carboniser. Comme des cafards, on va les écraser et comme les dire, on va les arroser. Car après ils ont pu les peines de chercher. T'as plus le test que nous a trouvé, tu t'es bien enrichi. Tu t'es bien amusé, mais là t'as fini, va falloir te casser. Non y'a pas de doute, c'est pas malheur, je croise un bombo clap sur ma route. Directement je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux les jaloux, tout ce petit monde là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Non y'a pas de doute, c'est pas malheur, je croise un bombo clap sur ma route. Directement je l'éclate avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux les jaloux, tout ce petit monde là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour quoi? Tu te prétends être MC alors que tu fais n'importe quoi. T'écoutes la dura et tu reproduis toutes les mêmes voix. Tu n'es qu'un imitateur sur lequel l'homme est vu, tu ne crois. Et malgré tout ça, tu côté de tout au charabia. Blablabla, tout ce qu'on veut c'est du fire. Ici y'a que des follow, y'a pas d'abeille, y'a pas de maya. Ici y'a pas de fibre, y'a pas de miel, y'a que des bas de voix. Non y'a pas de doute, c'est pas malheur, je croise un bombo clap sur ma route. Directement je le clap avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux les jaloux, tout ce petit monde là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Non y'a pas de doute, c'est pas malheur, je croise un bombo clap sur ma route. Directement je le clap avec un spécial lyric shoot. Tous les métaux les jaloux, tout ce petit monde là me dégoûte. Écoute ça Yotman, Mutel DMC. Soundboy crache pas ce soir, toute mon équipe est de sortie. SL Crew 9-5-2-4 connexion. Right. Killa.